du développement de la société, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Non, tu ne vas pas d'arrêter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se fout de la conspiration. La conspiration. La conspiration. Est-ce que tu connais la conspiration? La conspiration. La conspiration. La conspiration. Est-ce que tu connais la conspiration? La conspiration. On est là pour te jouer, les balles dans le sens. Tu connais la danse. Allez, Dala, Dala, Dala, Dala, comme je sais que Dala, Dala, Dala, Dala, Dala, comme maman, comme Dala, Dala, Dala, Dala, Dala, comme je sais que Dala, Dala, Dala, Dala, Dala, comme maman, comme Dala. On connaît la sauce. On connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, on connaît la sauce. On connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, yeah. On connaît la sauce. On connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, on connaît la sauce. On connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, yeah. Voilà. Merci beaucoup à vous.